100% francês com Ricardo de Matos. Au fond de l'estuaire, dans la zone portuaire, là où rien ne dure. Un quai sans lumière vers les containers pleure des filles au cœur. Elle se désespère pour des loups solitaires que rien ne peut retenir. Est-ce par une corde d'ailes qu'ils sont infidèles et veulent toujours partir? Oh, petite, les mots d'amour que vous dites tombent dans l'eau grise que le não dá mesmo para estar muito tempo afastado deste fantástico álbum de Laurent Voulzy, Cachet derrière, de 1992, esta vez com o tema Caribe Islander, a abrir mais um 100% francês. Bem-vindos, retomamos já o último single de De Palmas, Mon Cœur ne va plus. Mon amour ne te vexe pas. Si tu m'appelles, je ne répondrai pas. On ne me laisse pas le choix. Mon cœur ne bat plus, ne bat plus pour toi. J'ai lutté mais rien à faire. Ses yeux, sa bouche, je ne touchais plus terre. Mes épaules ont cédé sous le poids. Mon cœur ne bat plus, ne bat plus pour toi, non. Mon cœur ne bat plus, ne bat plus pour toi, non. Et les mots résonnent. Je ne suis qu'un homme. Et les mots résonnent. Coupable et victime à la fois. Mon cœur ne veut plus battre pour toi. Coupable et victime à la fois. Mon cœur ne veut plus battre pour toi. À donner le change, mais pourquoi te mentir? Elle fait ce qu'elle veut de moi. Mon cœur ne bat plus, ne bat plus pour toi. Mon cœur ne bat plus, ne bat plus pour toi. Je ne répondrai pas. Elle fait ce qu'elle veut de moi. Mon cœur ne bat plus, ne bat plus pour toi. Et les mots résonnent. Je ne suis qu'un homme. Et les mots résonnent. Changer nos défauts pour garder. Tenho mesmo muita pena que esta senhora só tenha gravado um álbum, no caso o trabalho Everest, com um rock sublime, como se pôde confirmar através deste Changer l'eau des fleurs, o único single de Isabelle Coe em 1999. E quem também ainda só tem um single é Camélia Jordana, mas neste caso ainda está tudo em aberto, porque esta rapariga só tem apenas 18 aninhos e de resto tem mesmo é de estar muito satisfeita, é porque já não há ninguém no mundo francófono que não tenha ouvido este non, non, non, e agora é a vez dos ouvintes do 100% francês também ficarem por dentro. Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non, non, non, non. Je ne veux pas prendre l'air. Non, non, non, non. Je ne veux pas boire un verre. Non, non, non, non. Je ne veux pas l'oublier. Non, non, non, non. Je ne veux pas m'en passer. Je ne veux pas boire un verre.

rien y faire, non. Idealist, Himalayist, I have a dream, struggle feels. Idealist, pour la vie, pour que j'existe, ainsi j'existe. Idealist, excitant. fr.blogspot.com 100% francês com Ricardo de Matos. Thank you. estava a lembrar desta música, deixo-lhe dar-lhe os meus parabéns e até lhe pago um copo. É que este Chepard é mesmo um dos temas raros, oferta do 100% francês, e que só deverá ser conhecido ou pelos fãs de Bazzi ou dos ouvintes muito antigos dos 90.4 FM. Não passava por aqui desde 1994. E está na altura de passar a cenários mais recentes. É para ficar já com a segunda estreia desta edição e um tema deste ano do quinteto Lechade, um grupo de Paris formado há apenas 4 anos, mas já vão no seu segundo trabalho, este 5 sur 5, e oferecem-nos a viagem musical na autoroute, a 100 portagens. Ta vie est une autoroute. Emma Dumas, a não deixar o ritmo por mãos alheias, poderosa foi Tissia. Aaron Chamfort resolveu meter o bedelho no mundo da moda e, claro, com o seu humor habitual, transformou tudo em música. Confira agora em À la droite de Dior. Tout est allé si vite aujourd'hui, grâce à Dieu. Dois-je dire à Dior? J'ai un petit bureau à la droite de Dior. Dois-je dire de Dieu? Je ne suis qu'assistant, mais assistant de Dior. C'est à mes yeux. Entrer chaque matin dans le secret des dieux. Pardon, des Dior. Je vois les robes comme des fleurs carnivores qui s'enroulent le long des corps dans un silence religieux. Dans les salons feutrés, je croise au grand Dieu. Que dis-je, grand Dior? Des femmes dont la beauté semble un don de Dior. Que dis-je de Dieu? Je vois passer la duchesse de Windsor. Passer la duchesse de Windsor. Ava Gardner et Liz Taylor. Ava Gardner et Liz Taylor. Passer la duchesse de Windsor. Des étoiles venant d'autres cieux. Bien plus que les prières et les livres pieux. Les doigts de Dior peuvent convaincre le monde qui trop souvent l'ignore de croire en Dieu. Aller si vite aujourd'hui, grâce à Dieu. Dois-je dire à Dior? J'ai un petit bureau à la droite de Dior. Dois-je dire de Dieu? Un beau jour plaise à Dieu, ou peut-être à Dior. Sûrement aux deux. La mode m'accueillera comme le nouveau Dieu. Le nouveau Dior. La mode m'accueillera comme le nouveau Dieu. Le nouveau Dior. C'est les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit nez. Car c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour. voilà, c'est fini. Aujourd'hui ou demain, c'est le moment où j'aimais. Peut-être après-demain, je te retrouverai. Car c'est fini. C'est fini. J'ai fini par me dire qu'on éviterait le pire, qu'il fallait mieux couper plutôt que déchirer. J'ai fini par me dire que peut-être on va guérir, et que même si c'est non, et que même si c'est con, tous les deux nous savons que de toute façon, voilà, c'est fini. Ne sois jamais amer, reste toujours sincère. T'as eu ce que t'as voulu, même si t'as pas voulu ce que t'as eu. Voilà, c'est fini. Nos deux mains se desserrent de s'être trop serrées. La foule nous emporte chacun de notre côté. C'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. Je ne vois plus au loin que ta chevelure nue. Même si je m'aperçois que c'est encore moi qui te suis. C'est fini. C'est fini. Reta final da edição 222, 222 do 100% francês, a acabar de ouvir o veterano e ex-líder dos Telefones, nos 80s, Jean Yobert, em Voilà, c'est fini. Olha, e bem a propósito, mesmo no final, temos daqui a pouco temas da nossa aniversariante de hoje, que nasceu no Canadá, embora muita gente pense que tenha sido em França, já vai saber quem faz anos hoje. Para já, os Autour de Roussy em Je Reviens. Bom fim de semana. Je reviens encore. Tu n'as même pas vu que j'étais partie alors. Je suis revenue. Fatigué de passer par-dessus bord. Je reviens et j'ignore ce qui nous ramène. On a déjà vu la mer rendre certains corps. Francês. Parabéns a Mylène Farmer, faz hoje 49 anos. Mylène Farmer, sans contrefaçon. 1988. Je défile. Mylène Farmer, Désenchantée, 1991. Thank you. Mylène Farmer, California, 1995. Sous ma peau, j'irai en overpour. Mylène Farmer, Appelle mon numéro. 2008. Show.